ni belle, ni vigira. La mise en onde est assurée par Albert Ndouaïo. Bonsoir et bienvenue à cette édition, la dernière de ce dimanche 21 octobre 2018. Donc voici tout d'abord les grandes articulations. 25 ans, jour pour jour, que le président Meki Ndadaye, héros de la démocratie, est assassiné. Nous reviendrons sur son discours qui prônait le respect des droits de l'homme. Son parti Sawanya Prodebu demande la justice sur cet assassinat et dit être contre toute idée de soumettre ce dossier à la commission Vérité et Réconciliation. Vous entendrez Pierre Claver Nahimana, président de son parti. Certaines organisations de la société civile sont majoritairement en exil et les confessions religieuses sont en discussion à Arusha en Tanzanie pour élaborer un document qu'elles vont présenter aux facilitateurs lors du 5e round prochain des pourparlers inter-burundais. Vous entendrez Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, une des organisations présentes à Arusha. Et les parents des élèves de l'école du centre culturel islamique s'insurgent contre la hausse du minerval qui a passé de 7 000 à 45 000 et cela sans toutefois avoir été consulté, disent-ils. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, je vous le disais tout à l'heure, commémoration ce dimanche du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. Le président Meki Ndadaye avait déclaré que le Burundi devait être caractérisé par le respect des droits de l'homme. Il avait aussi souhaité que les Burundais fassent preuve de valeur de l'unité dans toutes les catégories sociales. C'était dans son discours à l'occasion de son investiture après sa victoire présidentielle de juin 1993. On l'écoute, il est traduit en français par Evariste Nzikobanyang. Le Burundi nouveau doit être caractérisé par l'unité véritable parce que les années passées, on a assisté à des entorses à l'unité des Burundais qui étaient orchestrées par certains individus en mettant à l'écart les autres, en ne respectant pas les autres. Nous allons changer tout cela en mettant en avant la justice pour tous par le partage équitable des richesses du pays en ne regardant pas l'ethnie ou la classe sociale. Tous les Burundais doivent être égaux. Personne ne doit utiliser ses richesses ou son origine pour bafouer la loi. Le Burundi nouveau sera marqué par le respect des droits de l'homme dans toutes les sphères du pays. Traumatiser une personne, torturer ou tuer quelqu'un, emprisonner arbitrairement des gens, ne pas respecter une personne parce qu'elle est pauvre, ce sont des signes d'une dictature. Nous devons lutter contre cela dans la gouvernance de ce Burundi nouveau. Rendre justice aux héros nationaux permettrait aux Burundais de ne pas se rejeter la responsabilité des crimes commis à leur encontre. Propos du président du parti Sawanya Prodebu au moment où, ce 21 octobre, le Burundi célèbre le 25e anniversaire de l'assassinat du président Meki Ndadaye. Pierre Claver Nahimana indique que le parti Prodebu, dont Ndadaye fut un des fondateurs, ne soutient pas la position de ceux qui veulent que le dossier de son assassinat soit traité par la commission Vérité et Réconciliation. Nous ne soutenons pas que nos illustres héros qui ont disparu à cause des assassinats qui se sont passés au grand jour, nous ne souhaitons pas que ces cas-là soient traités par le CVR. Que ce soit le prince Louis Rwagasore, que ce soit le héros national de la démocratie, son excellence Ndadaye Melchior, le Frodebu continue à exiger que ces cas-là, qui sont considérés d'ailleurs comme des crimes graves contre l'humanité, dans le jargon actuel, donc il faut que ces cas-là soient traités par la justice. Il faut que ce soit traité par la justice. Il faut que le pays, il faut que le gouvernement s'organise à travers sa justice pour ramener ces cas-là devant la justice. Parce que tout le monde sait que très bien les semblants de procès qu'il y a eu sur le cas de Ndadaye Melchior, on a attrapé quelques subalternes, mais les commanditaires, les cerveaux de cet assassinat ignoble qui a plongé le pays dans la désolation. Ils sont là, ils se baladent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connus. Mais il appartient au gouvernement et à la justice de ramener ces cas-là devant la justice. Ça serait une façon de rendre honneur à notre nation. Ça serait une façon aussi de réconcilier le peuple burundais. Parce qu'actuellement, nous nous perdons tous dans des suspicions. Est-ce lorsqu'il y a des suspicions, des peurs, celui-là a tué, il a tué les miens, l'autre vous accuse ainsi, nous allons rester dans la la peur et de la suspicion, et ça c'est grave pour une nation. Nous voulons donc que le gouvernement et la justice prennent leurs responsabilités, ne pas essayer de dégager les responsabilités vers l'OCV. Non, nous n'acceptons pas cela. Pierre Claver Nahimana, il est président du parti Sahwanya Fraude des Bois. Après une courte pause, on va passer à la page politique. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous l'avais dit en titre, les organisations de la société civile, dont la majorité sont en exil, ont répondu à l'invitation du facilitateur dans le conflit inter-burundais pour donner leur contribution pour le cinquième round du dialogue prévu à Arusha très prochainement. Les confessions religieuses ont été représentées par Mgr Simon Hamwana, archevêque de Gitega. Les discussions sur le document à présenter aux facilitateurs ont commencé ce samedi à l'hôtel Ngurdoto. Mgr Simon Hamwana ayant été choisi comme facilitateur du groupe SUV, Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, lui-même participant à cette séance. On répondit à cet appel et Pierre Claver Mbonima, qui représente la PRODH, Gabriel Oufili de l'Oricom, M. Faustin Dikoumana de PARSEM, et les organisations de femmes représentées par Mme Vestine Mbundagou, et l'organisation des femmes pour la paix et la sécurité représentée par Mme Barichako Louise, Marie-Louise et Mme Sandra. Et il y a aussi Mme Nahoturi qui représente les femmes de la foi et l'initiative d'Addis Abeba. Et il y a les jeunes représentés par une organisation de think tank qui est à Bujumbura. Il y a aussi les jeunes de la diaspora, les médias représentés par l'UBG et représentés par Alexandre, Monsieur Alexandre Niungeko et Monseigneur Simon Hamwana, archevêque de la diocèse de Gitega. Et Mme Erali Niwizi, aussi des syndicats. Bon. Au niveau alors de la participation, pourquoi la société civile n'est pas invitée dans le dialogue proprement dit? Bon, certains disent que ce sont les politiciens, les hommes politiques qui auraient souhaité d'être seuls sans la société civile au jour du dialogue pour vider les questions entre eux, pour aller peut-être sur même les questions liées à peut-être partage du pouvoir ou autre, mais que la médiation a toujours voulu alors consulter la société civile sur notamment la procédure et la méthodologie pour arriver à une paix durable au Burundi. Et aussi donner notre avis sur les questions aussi de fond, de jour, parce que le sommet de chef d'État, paraît-il, a dit qu'il faut organiser une cinquième round de négociations pour vider toutes les questions qui seraient encore pendantes avant l'organisation des élections de 2020 pour permettre l'organisation des élections libres, transparentes et équitables l'année 2020. Selon toujours Faustin Dikoumana de la PARSEM, les questions à l'ordre du jour tournent autour des éléments indispensables pour la réussite des élections de 2020. Les questions en rapport avec la sécurité n'ayant pas été ignorées. Encore une fois, Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Comme on l'a vu sur l'ordre du jour, on voit quelles sont les mêmes questions qui apparaissent parce qu'on dit les questions politiques. Comment avoir, par exemple, comment ouvrir l'espace politique, les questions liées aux partis politiques, faiblesse des partis politiques, financement des partis politiques. C'est tous les problèmes liés même au fonctionnement des partis politiques. Il y a aussi les questions liées à la sécurité. Comment juguler tous ces phénomènes de disparition, de théories diverses pour asseoir une paix, une sécurité garantissant vraiment le retour à la paix, à la réconciliation effective. Il y a aussi les questions liées à l'organisation proprement des élections. Comment organiser techniquement les élections pour avoir des résultats crédibles? CENI, observation, accessibilité aux médias, tout ça. Et aussi, on va parler des questions liées à la contrôle de vie socio-économique, cette époque. Cette pauvreté et qui est en train vraiment d'aboutir à des niveaux de plus en plus inquiétants. Donc on a pu voir que ce sont des questions qui doivent être vidées pour avoir une feuille de route amenant au pays vers l'organisation des élections de 2020, mais ce sont presque les mêmes questions qui reviennent. Parlons alimentation à présent. Certaines cultures, dont la patate douce, ont une déficience en nutriments. C'est ce que dit docteur ingénieur Pascal Kakana, chercheur à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie à l'Université du Burundi. Il ajoute que des recherches ont permis de fortifier ces plantes, mais aussi de revaloriser d'autres cultures en disparition, comme le sorgho et la colocase. Suivez-le, il est au micro de Gertrude Mahouenaï. Le premier problème qu'il faut résoudre pour la sécurité alimentaire, c'est d'avoir de la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour la population. Nous avons déjà remarqué que les patates douces ou d'autres tubercules sont déficients en certains nutriments, notamment les nutriments de croissance. Et nous avons mis au point qu'on peut valoriser des variétés de patates douces à chair orange qui ont une certaine concentration en bêta-carotène qui est provitamine A, qui est une vitamine de croissance et qui peuvent agir sur la croissance des enfants, parce que vous savez que la plupart des enfants en bas âge, dans certains milieux, on les nourrit avec la patate douce. Et si on devrait normalement faire en sorte que cette technologie est virgalisée, ces semences soient virgalisées, on aurait résolu un problème de malnutrition. C'est déjà une technique qui est maîtrisée au niveau des chercheurs, au niveau des instituts de recherche. Là, nous disons que ce que nous faisons, nous, c'est de produire les semences. Par exemple, pour la patate douce, il s'agit de produire les cordes de patate douce qui ont cette caractéristique. C'est au niveau du laboratoire. Alors, l'accès. Je pense qu'avec la force de ces utilisateurs qui sont réunis en groupement ou en coopérative, il y a lieu d'y arriver. Nous voyons certaines plantes en disparition comme le sorgho, le manioc, mais aussi la colocase. Est-ce qu'il y a des recherches en ce qui concerne ces plantes pour qu'elles ne disparaissent pas complètement? Si je vous parlerais de ces trois cultures, il y a un projet de valorisation de la culture du sorgho, Gambela. C'est une recherche qui a été réalisée à la faculté d'agronomie et qui marche encore. Vous parlez de la colocase, effectivement, c'est une qualité en disparition et nous sommes inquiets de cela. Mais ici à la Fac Agro, nous avons des patrimoines dans germoplasme de toutes ces plantes-là. Et je crois que la FAO a déjà fait des commandes de germoplasme de variétés de colocase et que nous avons produit des vitroplans ici à la faculté d'agronomie qui ont servi de matériel de plantation dans des populations que la FAO encadre. Concernant le manioc, l'ISABU en collaboration avec je crois, le CIP ont déjà mis au point des variétés de manioc qui résistent à la mosaïque et qui ont une grande production. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'une fois, si vous augmentez la production, il faut un accompagnement pour effectivement gérer les autres chaînes de valeur. Parlons éducation. À présent, certains des parents ayant inscrit leurs enfants à l'école du Centre culturel islamique de Bujumbura se plaignent que le directeur de cet établissement scolaire a revu à la hausse le minerval allant de 7 000 francs burundais à 45 000. Tels sont les propos des parents qui étaient en réunion avec les autorités de cette école en vue d'en trouver une solution. Ces parents, qui n'ont pas été avertis ni consultés, selon eux, demandent au ministère ayant l'éducation dans ses attributions de s'enquérir de cette situation. Reportage signé Vincine Boutoui. Dans cette réunion des parents et des responsables de l'école et centre culturel islamique, un des parents membres du comité des parents de la dite école indique que la hausse des frais scolaires a eu lieu sans qu'il y ait une convention entre ses parents et ses responsables de la dite école. Cette réunion vient de se tenir parce que nous l'avions demandé avec insistance. En effet, cette hausse du minerval à 5 fois a été faite de force. Normalement, les élèves de la 7e à la 9e payaient 7 000 francs burundais et ceux du poste fondamental payaient 9 000 francs burundais. Donc, cette hausse du minerval de 7 000 à 45 000 francs burundais a été faite inopportunément 2 semaines après la rentrée scolaire. Il ajoute que cela fragilise certains parents qui n'ont pas des moyens suffisants, alors que cette école a d'autres financements provenant des pays arabes. Par conséquent, il demande aux autorités habilitées de prendre en main cette question afin que la justice soit établie pour tous. Ce que nous demanderions spécialement au ministère de l'Éducation, c'est de prendre en main cette question en vue de mettre fin aux plaintes de certains parents parce qu'il y a ceux qui sont démunis. Encore, ça sous-entend que cette école va accueillir seuls les enfants des riches et ceux des pauvres vont errer dans la rue. Étant donné que nous sommes dans un pays démocratique où chaque citoyen a droit d'expression et d'étudier n'importe où il veut, ce serait de l'injustice et c'est pour cette raison que nous implorons le gouvernement de résoudre ce problème afin d'éviter que certains enfants continuent leurs études alors que d'autres sont expulsés de l'école. Hors micro, le directeur de cette école affirme que la hausse de ses frais scolaires ne cause pas de problème, arguant que chaque école possède sa propre organisation. Merci Vestine Woutoui. Avant de clore son journal, une nouvelle des provinces. En bref, ce dimanche, à Kouibou, s'est tenue des cérémonies de commémoration du 25e anniversaire du meurtre de plus de 70 élèves Tutsi du lycée Kibimba, brûlés vifs après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ceux qui ont pris la parole ont demandé que justice soit faite afin que les auteurs du meurtre soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi. Personne n'avait représenté ni le gouvernement ni l'administration locale. Le président de l'UPRONA, Belgachati, était présent dans ces cérémonies, de même que le député Fabien Wanchiganino. Fin de cette édition, je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouayo pour la mise en onde d'Eli Nibel Nibigrejte à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.